arc-en-ciel, un amour de la femme. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. À vous tous, il est 13h et passé de 30 minutes. Voilà, de retour avec l'émission de Nicolas jusqu'à 17h avec l'émission Bidance. Donc bonjour à tous et à vous toutes, si vous prenez l'écoute. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, aussi très bonne matinée, donc avec l'émission de Martin. Voilà donc, et bien, on continue bien sûr à l'émission avec Spania, avec Easy Lady, et puis juste après Stevie Wonder. In fact, here's just another

ça avec le rosé du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les podeurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la paix, mais du moins. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, t'es l'hymne star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, hein. Don't forget me, I'm Dr. B. Version vert de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Version vert de Cuba Libre. Dr. B, that's me. Avec tout simplement, et ben c'est Black Machine avec Street Dance, et puis juste après eux, ça sera tout simplement un titre qu'on connaissait aussi, c'est Jimmy Cliff, tout simplement avec du reggae.

avec Kaoma et puis celui de Gala. Je te sais, One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Na na na. Je à toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Voici donc le titre s'appelle tout simplement à toutes les filles et c'est Didier Barbelivien et Flix Gray. Les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à l'air baisé volé, je suis resté adolescent. C'est en haut, fond des yeux. Elle dansait, pour nous garder plus amoureux. Elle disait, que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait, dans un sourire moqueur, quelque chose de secret. Elle cravait, nous deux cœurs, sur les arbres des forêts. Elle pleurait, comme on pleure, quand on l'a trop aimé. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner, dansant. C'est en haut, fond des yeux. Elle dansait, pour nous garder plus amoureux. Elle disait, que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait, dans un sourire moqueur, quelque chose de secret. Elle gravait, nos deux cœurs, sur les arbres des forêts. Elle pleurait, comme on pleure, quand on l'a trop aimé. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Tout simplement orchestral manœuvre In the Dark. Oh. of friends. There was a time to elect to let you worry behind. It's taking several weeks for something to cross my mind. There was a sign of the time we never forget. One morning our parakeet is out of a bed. We told him, Mr. Speaker, don't play the fool. But the answer was, shit, you got to go to school. She's running up and down and everybody know. Rap be rocking, popping in the street, kids show. Mike, you rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a bike, there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. Here's Rap be rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring a rang-a-dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Mike and Dean and Sweat, we're here to say. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll sweat. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll sweat. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I scream the light. The only thing in school, the only thing I've got, is where Sparrow stole me. I better stop, cause when hanging on the street, in the street, get show. It's about rock, what happened to you? I told them it's my life, and I know what I'm doing. I started the school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx in Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox, he will play. My name is Inches Red, and I also DJ. And the life is good, so good another way. You like the mic and D, so and you is my voice. And soon the body cards in the big Rolls Royce. That's right. My name is Mike and G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in the swell, started in the neighborhood. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Mike and G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll sweat. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll sweat. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swan. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop, for that body rock. You won't stop, for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Micah G. M-I-K-E-R-N-G-S-E. Yo, M is microphone and G is genius. Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's time, Swan. So let's go back. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. Juste après le rap, voici tout simplement et bien trois chansons différentes. Ça va. Pour Véron, voici donc le titre avant. C'est le chanteur qui s'appelle Monte Cristo, suivi de Céline Dion et puis ainsi de Goldman. I'm Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. essentiel, un amour de la femme. Les émissions pour après moi, donc pour les émissions pour le mardi ainsi pour le mercredi. Donc à partir tout simplement à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec Eric Choc, et puis demain à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky, et juste après entre 9h jusqu'à midi avec Victor Portillal au Festa. Et puis donc, dans l'après-midi avec Gloria, entre 14h jusqu'à 16h, et puis juste après, entre 18h et 19h30, Violette traditionnelle, et puis ainsi avec Christana, entre 19h30 jusqu'à 21h, et puis le jeudi matin, avec Armel Giriot, pour l'émission entre 9h jusqu'à midi, avec Vaz de Portugal. Tout simplement avec Megamix Disco 80, et puis juste après lui, disons après eux, ça sera tout simplement Jimmy Cliff, tout simplement. Non, ça sera plutôt plus tard, c'est Jimmy Somerville, tout simplement. Calme. children leave, entering the world with thee. And the music plays in your fantasy. In the moonlight time, I remember the games of my life. The youth, where is your hard work? We have many things to do. Open the door. How old are you? Oh, oh, oh. Tu eres la pasión, yo tengo una voz con amor. Para el voici donc Jimmy Somerville, You Make Me Feel, et juste après Bonnie M. Le petit atteint de l'Angleterre. Yeah. superpower became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Avec John Barking et puis Oh chérie chérie avec Karen Cheryl. Notre amour fou ne resterait qu'au décembre. Moi, j'aimerais que la terre serait debout pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te pendre. Et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Sois, dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien su. Toi, chérie, chérie. Les paroles de ma vie, c'est un soleil qui viendrait d'Italie. Un télégramme, mélo, mélancolie. Oh chérie, chérie. Chérie, dam, dam, dam, dam, dam, dam. L'amour est un jeu fantastique. Dam, dam, dam, dam, dam, dam. Nos deux cœurs sur champ magnétique. Je suis d'accord sur le principe. Moins de paroles, plus de musique. Oh chérie, chérie. Senza di te, l'emozione è ancora dentro la mia mente. C'est gagné d'avance, les amours. nous inventer d'autres danses. Come on, all right, we're gonna celebrate

Et qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant ma fréquenté. Où la PJ est passée trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui errent, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces façons mais ça passe, nous reste encore une chance. Sinon on rien à tirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le monde est fort. Tu crois que c'est pas qui qui te sent le plus fort. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Je fais partie des b-boys, c'est un style qu'on redoute à la radio, à la télé, si jamais tu nous écoutes. Je veux que tu penses à nous et que tu dises pas pour tous les gens qui nous aiment pas. Que pour tu vois notre route, oui c'est du rap français. Plus fort que jamais, apportons avec nous le fond de tous ces secrets. Que nous les b-boys, on peut s'empêcher d'écouter. Si tu comprends pas, c'est que t'es pas branché. Oh oui. Et qui l'accompagne? Benny B. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mon nom à moi c'est Benny B, le b-boy le plus tendre. Je chante ma chanson à qui veut bien l'entendre. Je trouve de nouveaux beats, de nouveaux tubes étonnants. Et crois-moi bien, d'ici peu je serai le plus grand. Car je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Tu vois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Oui, à tous ces bailleurs que le move est fort. Tu vois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Yo. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. spécial, un amour de la femme. Je laisse avec quelques chansons portugaises et puis donne un petit coucou à Florian. Vou aceitar estar a teu lado, ai é um perigo. Tu me seduzes com teu olhar. Não vou negar que eu fico louca quando tu chegas perto de mim. E quando olho essa tua boca, ai quem me dera dizer-te assim. Aquela gala, mas com jeitinho. Ainda as homens são meu amor. Comigo tens de ter respeitinho. Não sejas abusador. Aquela gala, mas com jeitinho. Agora tens que me obedecer. Fizeres devagarinho, então eu vou me perder. Encosta, encosta o teu corpinho e mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho, ai em teus braços quero bailar. Encosta, encosta o teu corpinho e mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho, ai em teus braços quero bailar. Eu não consigo me controlar com o meu coração. Não vou negar que eu ando louca para provar esse teu sabor. Sempre que olho a tua boca, o meu desejo fica maior. Agarra, agarra, mas com jeitinho. Ainda as homens são meu amor. Comigo tens que ter respeitinho. Não sejas abusador. Agarra, agarra, mas com jeitinho. Agora tens que me obedecer. Se tu fizeres devagarinho, encosta o teu corpinho e mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho, ai em teus braços quero bailar. Encosta, encosta o teu corpinho e mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho, ai em teus braços quero bailar. Nem me deixas falar. Já não sei o que é de fazer. Ando para aqui a sofrer e tu para aí a brincar. Teus olhos da cor do céu, teus lábios sabor a mel. Isabel, para cá, Isabel, para lá. Chamou louco só por tanto te spécial, un amour de FM. Je laisse avec tout simplement David Bowie avec son Last Dance et puis Herbie Hancock. And if you feel myself slipping in more and more ways. Messed up a world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Avec Loris, son titre s'appelle tout simplement Sur un air latino, et puis en duo avec Jamel Jackson et Pian Zanora. Señorita, moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Right. Baba, baba. Hey, hey, ladies and gentlemen. Voici donc du Madison, et puis juste après, on écoutera tout le monde Lionel Richie, Say You, Say Me. From behind the walls of doubt, a voice. avec Allô Papa, Tango, et puis juste après, retour avec une autre chanson de Céline Dion. Thank you. celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Hello, Papa Dumbo, Charlie. Hello, Papa Dumbo, Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Je me moque de tout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. plus douce qu'une rose. Elle est si jolie, Catherine, Catherine, quand elle sourit, la mer et le ciel me semblent moins bleus chaque fois que je vois s'ouvrir ses yeux. Moi je l'aime simplement sans savoir. Continuera, Inch'Allah, qui vivra verra. Approche, écoute, La tête qui t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Si ne m'aime pas, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jeune homme passera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Hey. Disque sous porche, c'est gravé dans la roche. Manon est les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque, sur scène, c'est gravé dans la roche. Je fais carré tes chambres, finis de rapper dans ma chambre. Tu sais, tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour vrai, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche, j'allume les clubs au silex. Riche pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable, ils soignent par pack de 12. Hey. Ma belle, y'a pire. Bâche, tu as la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme les premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier. Pas sur la lune, les mêmes raclis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, c'est la somme rôtie, aux okiatis. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly. De la mort de Biggie, au compte d'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, la pomme te met en transe. Hyper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Si ne meurt pas, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera... Radio. Radio Arc-en-Ciel. Les Whispers, voilà, avec On the Big Gong. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Make my We'll be right back. Voilà donc, eh bien, l'émission touche à sa fin, bientôt 16h55. Voilà donc, l'émission touche donc à sa fin. On se retrouve prochainement. Voilà donc, ainsi, ben, je vous souhaite de passer bonne fin de l'après-midi. Et puis, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações.